Rien de commode. Sur la prod, j'impose mon flow afin de pas oublier. Malgré ce putain de système qui veut te faire plier, laissant parfois la vie dans la dite morosité. Et dans l'avenir à effacer le passé qui est flouté. Attention à ne pas te laisser comme on dit défiler. Et parce que le temps te parle comme si le défilé. Ne crois pas que la suite toujours sera du petit lait. Et parce que le destin ne doit pas toujours t'enfiler. J'explose en moi-même comme si c'était un problème. À vivre au milieu de moutons qu'ont le visage blême. Rien de juste quand on voit comment est le résultat. Dans chaque cas je le vois et en fait le constat. Un artiste apparent et même apparemment. Parmi le monde en furie et ses détriments. Libre dans ma tête et seulement sans facétie. Et malaxe en ma vie on y bavura encore les si. Sur la prod. Quand la vie s'annonce sans liberté précise, envie de laisser ces putains de place assise. J'ai dégommé le dommage à faire preuve de courage. Je me tais et pense à la suite qui se propage. La fatigue alimente mon cerveau, je ne pense plus. Les obstacles en avant, je les passe, ne respire plus. Et parce que l'illusion se ferait-elle toujours d'optique. Au milieu de pourris qui en garde l'instinct tactique. Libérant mon âme en effaçant les blâmes. Afin de reprendre un peu de cette petite flamme. Rien à dessiner et juste à faire comprendre que l'expérience est là. Et plus rien à prendre, les regards se dessinent comme une esquisse dans le ciel. Je cherche encore le goût sucré, celui du miel. Anagramme sur les mois, j'en ferai ma propre loi. Je suis ce que je suis et j'en garde encore la foi. Sur la prod.